Et même tout ça, Mitebouti assure la mise en onde. Nous sommes mardi 16 juin. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Après le décès inopiné lundi 8 juin du président burundais Pierre Nkurunziza, des messages de condoléances continuent. Le 16 juin de chaque année depuis 1991, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. Dans cette édition, nous parlerons de la gratuité de l'enseignement primaire, des conditions de vie des enfants en situation de rue et la vie d'un défenseur des droits de l'enfant. C'est une journée qui a ses origines à Soweto en Afrique du Sud. Armel Mutore va nous le rappeler. Et le reportage du jour, nous serons en commune Gihanga de la province Bubanza pour parler de la pisciculture intégrée aux volailles. La chronique santé, ce sera sur le traitement du cancer chez les enfants. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Après le décès inopiné lundi 8 juin du président burundais Pierre Nkurunziza, les messages de condoléances continuent à nous parvenir. La Fédération burundaise du sport universitaire adresse ses condoléances les plus attristées au peuple burundais, à tous les sportifs et plus particulièrement à la famille de feu président Pierre Nkurunziza. Le message de condoléances vient également de l'Association pour la protection de l'environnement APE qui dit garder l'image d'un président ayant plusieurs valeurs, dont la bravoure, l'amour, le souci de développement du pays. Cette organisation appelle tous les Burundais à rester sereins. Les habitants de la mairie de Bujumbura sont appelés à rester calmes après la fin du deuil national fixé par le gouvernement suite au décès du président burundais Pierre Nkurunziza. Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, informe la population urbaine que la position de signature dans le livre d'or pour rendre hommage à cet illustre disparu continue au bureau de la mairie de Bujumbura. Il rappelle que le deuil peut s'observer chacun à sa façon jusqu'au jour des funérailles du défunt. On l'écoute. Le deuil décrété par le gouvernement s'est terminé hier. Nous avons eu une instruction de la part du ministre de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du Développement local de disposer les livres de condoléances, chevaliers des provinces et aussi des communes. Donc pour la mairie de Bujumbura, nous avons décidé de disposer ces documents, ces livres au niveau du siège de la mairie, avenue de l'université, et que tout le monde pourra venir signer dans ces livres et écrire quelques mots de sympathie de son Excellence feu président Nkurunziza Pierre. Donc, j'invite également la population municipale, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en Arirushasi, de venir se recueillir et pouvoir écrire quelques mots dans les livres de condoléances. Pourquoi avez-vous choisi les bureaux de la mairie de Bujumbura et non décentralisé ce livre au niveau des communes? Nous avons jugé bon que la mairie et la circulation est fluide. Ça veut dire que les distances ne peuvent pas gêner les gens et surtout qu'il y a aussi les moyens de déplacement. Sinon, pour les autres provinces, c'est normal qu'une commune puisse se trouver à autant de kilomètres alors qu'ils n'ont même pas de moyens de déplacement, ce qui rend difficile. Donc, le cas des autres provinces, on s'organise comme on veut. Donc, nous avons préféré organiser au niveau central. Après le dé officiel, pensons également que la population urbaine devrait garder le calme, la sérénité pendant cette période de deuil, parce que même si officiellement ça s'est terminé, mais on n'a pas encore organisé les obsèques de son Excellence. Donc pendant cette période, on devra garder le calme en observant cette période avant son enterrement. Honorable Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, au micro de Elinibel Niwigira. Poursuivons cette édition à 13h pile dans les studios de la radio Isanganiro. Le 16 juin de chaque année depuis 1991, le monde célèbre la journée de l'enfant africain au Burundi. La gratuité de l'enseignement primaire et celle des soins de santé pour le moins de 50 améliorer l'image de l'enfant burundais. Pour le volet éducation, le nombre d'enfants qui fréquentent l'école a augmenté depuis la prise de la mesure de la gratuité scolaire. Ceci est dit par certains maîtres responsables des écoles fondamentales de la capitale économique Bujumbura. Le point avec Moïse Misago. Selon ces responsables scolaires, depuis la mise en place de cette mesure de la gratuité scolaire, beaucoup de parents ont envoyé leurs enfants à l'école. Désiré Habiambere, maître responsable de l'école fondamentale Skepers de Nyakabiga, trouve que même les élèves devraient fournir plus d'efforts. Pour le moment, les élèves fréquentent l'école sans difficulté. Et contrairement auparavant, parce qu'auparavant les élèves ne fréquentaient pas les écoles parce qu'ils disaient que les parents ne disposaient pas de l'argent pour payer les frais scolaires. Je pense qu'il faut une sensibilisation aux parents et même aux élèves pour savoir l'avantage de fréquenter l'école. Même si c'est gratuit, il faut que les élèves se donnent aussi corps et âme pour ce profit de l'État. Même constat de la maîtresse responsable de l'école fondamentale Jabé de Advan. Suite à cette augmentation du nombre d'élèves, Julien Nirera estime que les écoles devraient être approvisionnées en matériel didactique. Il y a un avantage parce qu'il y a des enfants qui n'avaient pas les frais pour payer. Mais aujourd'hui, ils vont à l'école comme les autres parce qu'ils étudient gratuitement. Oui, il y a quelque chose à améliorer parce que les enfants sont augmentés. Plus les enfants augmentent, il faut encore des bancs pupitres pour les enfants et les matériels scolaires comme les livres et autres choses pour que les enfants puissent bien étudier. Cela est ainsi au moment où chaque année le 16 juin, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Parlons encore de cette journée. Un logement indécent et une vie de misère sont certains des défis auxquels font face les enfants en situation de rue. Ce que notre reporter a approché ce mardi en plein centre-ville de Bujumbura font savoir que la pauvreté dans les familles est la raison principale qui les a poussés à quitter leur famille. Ces enfants demandent leur intégration dans les écoles. Le point avec Alain Désiré. Certains de ces enfants de la rue dans la capitale économique Bujumbura disent qu'ils ont quitté leur ménage suite à la pauvreté qui menace leur famille. La vie que nous menons ici est très précaire car nous sommes menacés par la famine. Quand ma mère a rendu son âme, la vie est devenue très dure chez moi. Mon père était incapable de nous aider financièrement. Après cela, j'ai décidé de quitter ma famille. Ces enfants de la rue déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils vivent et notamment le manque de logement. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide pour qu'ils puissent intégrer les écoles. Les policiers nous chassent. Souvent, ils nous emprisonnent. À cela, nous sommes menacés par le manque de logement car nous dormons dans la belle étoile. Nous lançons un appel au gouvernement de nous venir en aide afin que nous puissions continuer nos études. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Parlons encore de cette journée, la négligence de certains parents, la loi qui protège les enfants qui est lacunaire, le travail informel à des enfants sont certains des défis qui hantent l'enfant burundais. C'est ce que dit le directeur du Centre de protection des enfants, Sojepay, David Ninganza, souligne le rôle de tout un chacun dans la dénonciation des abus faits aux enfants. Aux enfants, on l'écoute. Les parents négligent. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont complices dans l'abandon scolaire de leurs enfants. Il y a des parents qui emploient les enfants et même dans des situations extrêmement difficiles. Répliquage, je dirais, ça expose au niveau de la santé des enfants. Donc, les parents jouent un rôle important dans le développement de l'enfant, développement mental, développement moral, développement physique. Quand le parent alors n'est pas prudent, il faut comprendre que l'enfant est exposé. Deuxième problème, c'est quand la loi est lacunaire. C'est vrai que nous attendons impatiemment le code de protection de l'enfant. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les enfants qui travaillent dans les ménages, il n'y a pas d'une loi qui protège ces enfants. Le ministère qui a le travail, ses attributions, n'a jamais montré comment travailler et former les régies. Vous comprenez que la loi n'est pas là. Toute personne mal intentionnée peut en profiter pour faire du mal, pour faire l'exploitation économique de nos enfants. C'est pourquoi ayant des enfants victimes de ça. Il y a aussi manque de l'informatisation de l'état civil. Je pense que c'est vraiment dommage qu'il y ait des enfants qui dépassent les frontières du pays. À l'insu, la police a l'insu des parents parce qu'ils ont triché sur les âges. Ils vont présenter extrait de naissance qui ne relate pas la réalité. Document à faux usage de faux. Si c'était informatisé, chaque enfant qui se présente, on devrait vérifier sérieusement que c'est l'enfant qui sort ou bien que c'est une tricherie. Revenons alors sur l'historique de cette célébration qui a débuté le 16 juin 1991 en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits souhaitant en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid. C'était le 16 juin 1976. Armel Moutore nous en dit plus. La journée de l'enfant africain est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine ayant précédé l'Union africaine en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Soweto, un township sud-africain situé à 15 km au sud-ouest de Johannesburg dans la province de Gauteng où des centaines d'enfants furent tués et blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale auprès des pays concernés afin qu'ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes en moyenne. En Afrique du Sud, des enfants et des adultes viendront à Soweto pour exiger les dirigeants africains à aider les orphelins et les enfants vulnérables. Loïs Bouambale, membre du Parlement panafricain, dirigera les opérations. Au Kenya, une mobilisation immense avec près de 5000 enfants se rassemblera à Tika. L'événement aura lieu à Kiandoutou Slam, dont le pourcentage d'enfants orphelins est le plus élevé. Au Sénégal, une manifestation énorme impliquant 500 enfants était prévue. Une réunion géante de lobbying avec le président du Sénégal et des enfants est prévue pendant l'événement. Des célébrités telles que les chanteurs Youssou N'Dour et Baba Mal, les chanteuses Kumba Gualo et Viviane N'Dour, tous de nationalité sénégalaise, ont aussi été invités. En Tanzanie, des mobilisations et une conférence de presse marquera la journée. La journée mondiale de l'enfant africain, célébrée en hommage à ses enfants victimes à Soweto, met à l'honneur les enfants d'Afrique, un continent où près de la moitié de la population, soit un demi-milliard de personnes, a moins de 18 ans. Les statistiques montrent que le taux des différents vaccins pour les enfants est très bas dans la province sanitaire de la mairie de Bujumbura suite à des rumeurs ou à la façon dont la communication est passée, constate le médecin provincial de la santé en mairie de Bujumbura. C'est ce mardi lors d'une réunion de plaidoyer et de mobilisation des responsables locaux sur les activités de vaccination. Docteur Cléophile Akindavi rappelle à toute la population générale et celle de la mairie de Bujumbura en particulier de faire vacciner leurs enfants car cela fait partie de leurs droits. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Certains des déplacés suite aux inondations d'avril de cette année en zone Gatumba de la province de la commune Mutimbuzi reviennent timidement pour la réhabilitation de leur maison à la colline Kinyinya. À certains endroits qui étaient humides suite aux inondations sont actuellement praticables. Néanmoins, ces habitants déplorent le manque de moyens et demandent assistance afin qu'ils regagnent leur ménage. Vestine Utoi. Sur la colline Kinyinya 1 de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, située tout près de la rivière Rusizi, des zones qui étaient jadis humides suite aux inondations sont actuellement secs. Il y a d'autres coins où on voit des flaques d'eau, des ruisses sont praticables, malgré la boue qui s'y observe. Dans cet endroit, certaines maisons se sont complètement effondrées et d'autres qui y restent présentent des fissures. Des habitants rencontrés sur place indiquent que la situation commence à s'améliorer. Ils ajoutent qu'actuellement, ils observent un mouvement des déplacés qui reviennent dans leurs parcelles pour voir comment réhabiliter leur maison. Néanmoins, ces habitants déplorent le manque de moyens auxquels ils font face pour reconstruire leur maison détruite. Ces habitants de la colline Kinyinya 1 de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, demandent d'être assistés en matériaux de construction pour la réhabilitation de leur maison afin qu'ils regagnent leur foyer. Radio Isanganiro, chronique santé. Le cancer pédiatrique peut être traité sous différentes formes, dont la chirurgie en cas de tumeur et même guérir. Le pédiatre de Gracias Niungeko précise que cette maladie peut avoir des complications. Une fois mal traitée, il ajoute que le seul moyen de prévention est le respect du calendrier vaccinal. Les détails avec Ornella Mucho. Différents examens doivent être faits avant le traitement chez l'enfant suspecté d'avoir un cancer. Le pédiatre de Gracias Niungeko précise que le traitement est fait selon le type de cancer diagnostiqué. Il y a trois types de traitements qui sont envisageables dans le cadre des cancers de l'enfant. C'est d'abord le traitement médical qui fait recours à ce qu'on appelle les antimitoties. C'est la radiothérapie en vue de diminuer le volume de la tumeur en question. Et enfin, la chirurgie d'exérèse qui va faire l'ablation de la tumeur. Les cancers pédiatriques peuvent guérir une fois diagnostiqués et traités à temps. L'expérience que j'ai acquise au cours de ma formation, j'ai fait 6 mois d'internat dans le service. Et là, les enfants délaissaient. Mais généralement, les enfants allaient jusqu'à l'âge adulte. Ici, au CHU, les enfants qu'on opère dans néphroblastome. Le néphroblastome, c'est un cancer qui est localisé au niveau du rein. Quand c'est un cancer qui est localisé au niveau dans ce rein, quand on fait une chirurgie d'exérèse et qu'on met ces enfants sous antimitotique, la tumeur régresse définitivement. Et généralement, ces enfants meurent de cancer secondaire. C'est-à-dire quand ils ont souffert d'un cancer, d'une leucémie ou d'un autre cancer, et qu'ils ont été traités, développent généralement d'autres cancers. Cependant, cette maladie peut avoir des complications en cas d'indisponibilité du médicament. Docteur de Gracias Niungeko révèle qu'ils envisagent un service pour la prise en charge des enfants atteints du cancer. La conséquence, elle est très fâcheuse parce que la beauté à la mort. La prévention n'est pas évidente et n'est pas facile parce que toute l'étiopathogénie de la cancérogénèse pédiatrique n'est pas connue. La seule prévention qu'on peut préconiser et qui est faisable ici, c'est la vaccination contre l'hépatite virale B et est inclue dans le programme élargi de vaccination. Et elle s'adresse aux enfants âgés de 6 semaines à 6 mois. Et il y a aussi la vaccination contre le papillomavirus qui est responsable du cancer du col utérin. Et son vaccin s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Avant d'avoir les rapports sexuels. Parce que l'enfant ou l'adolescente, quand il a déjà eu ses rapports sexuels, il y a mi-chance qu'il soit infecté ou qu'il soit porteur de son virus. Ce spécialiste ajoute que dans les pays en voie de développement, il n'y a pas de données montrant les enfants déjà atteints du cancer. Et pourtant, dans les pays développés, les cancers pédiatriques sont la deuxième cause d'hospitalisation après les accidents de la voie publique, souligne-t-il. À la source, reportage. La pisciculture intégrée aux volailles facilite l'alimentation des poissons. Point de vue de Namana Nima Naïlmeti, responsable du Centre national de développement de la pisciculture et de la pêche artisanale. Et la population de la commune Gihanga en Provence Bubanza, regroupée au sein de la coopérative Adeka Turashoboye, qui pratique cet élevage, espère que cette activité leur permettra de lutter contre la malnutrition et l'amélioration des revenus familiaux. Le reportage du jour est signé Charles Makote. Jonas Nakarutimana, chef de la coopérative Adeka Turashoboye, qui pratique la pisciculture intégrée à l'élevage des poulets. Nous sommes au village 4 de la colline Gihanga. 4 temps d'eau ont été aménagés au-dessus desquels des poulaillers suspendus à l'aide des poutres en béton. Le problème des arrivées a été résolu par l'État, comme l'indique Jonas Nakarutimana. Nous avons l'espoir car les alevins nous sont fournis par l'État via FIDA. Nous avons récemment réceptionné 15 000 alevins. Nous attendons 85 000 alevins qui vont bientôt arriver. Bien que le projet soit à ses débuts, la production attendue suscite l'espoir d'amélioration du quotidien des membres de la coopérative. La production nous permettra de subvenir à nos besoins dans les ménages et de surcroît, nous aurons quoi mettre sous la dent qui n'était pas dans nos habitudes alimentaires. Cela aura également un impact pour nos voisins. Le manque de canalisation propre pour ces étangs d'eau est l'un des défis à ce projet de pisciculture intégrée, comme l'explique Hermétine Amanani Mahana, responsable national du développement de la pisciculture et de la pêche artisanale. Le Clarias grappinus est l'espèce élevée dans ces étangs d'eau suite à sa résistance d'eau souillée et son mode de respiration spécifique, comme l'explique Namanani Mana. Cette catégorie de poissons est aussi appréciée pour sa chair. Selon le responsable du Centre national du développement de la pisciculture, l'association Poisson-Volaille permet de rentabiliser la nourriture. 12 emplois permanents ont été créés par la coopérative Adekatula-Choboye qui compte 500 membres. Charles Macotte, nous reviendrons sur ce reportage en détail dans nos éditions de la soirée. Voilà à 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition qui était centrée sur les messages de condoléances après le décès inopiné du président burundais Pierre Nkurunziza. Dans ce journal, on a également parlé de la célébration ce 16 juin de la journée internationale de l'enfant africain. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également. Moi et Metou Samite Bouti qui assurait la mise en onde. Au revoir.